Petit crime en Provence au XIXe siècle, de Jean Darrigue. Première nouvelle, La Bouchariée, Fort Calquier, Aix-en-Provence. On croit bien souvent qu'il existe des gens ordinaires dont les vies sont grises, ternes et lisses. Pourtant, l'observateur curieux et attentif découvrira toujours en l'existence de chacun des caractéristiques exceptionnelles qui peuvent donner matière à roman. Tel est le cas des deux vies dont nous soumettons l'histoire à votre sagacité. En Haute-Provence, entre Fort Calquier et Reillanne, il existe une contrée vallonnée où la forêt tient une bonne place, où peu de champs sont plats. À la fin du Second Empire, la vie y était rude. Les gens, âpres aux gains, repliés sur eux-mêmes, tâchaient de ne se faire remarquer ni du diable ni du bon Dieu. Ici, on craignait tout le monde, y compris son ombre. Sur un plateau isolé, on dressait un bâtiment aux hauts murs épais, faits de pierres grossièrement appareillées et non de pierrailles et de mortiers. Cette architecture le faisait ressembler à une église médiévale fortifiée. Ce n'était rien d'autre qu'une grosse ferme bâtie dans la deuxième moitié du règne de Louis XIV par la famille Sauzet, alors nombreuse et puissante. En cette époque troublée, où des hordes de gueux écumaient le pays exsangue après les guerres et le faste dispendieux du monarque, il valait mieux avoir un endroit sûr et solide pour se mettre à l'abri, surtout quand on vivait isolé. Bien que catholique, la famille Sauzet y hébergea des parpaillots, mais aussi des pauvres, fuyant les dragons du roi qui montaient du Luberon dans l'unique but de rapiner. Enfin, sous la Révolution, cette ferme fut le théâtre d'un drame horrible et sanglant. Une bande de royalistes acharnés, défendant leurs privilèges, s'y étaient réfugiés après en avoir chassé les occupants. Une troupe de paysans et de révolutionnaires montés de Marseille vint les assiéger. La poudre manquant de part et d'autre, les combattants s'étaient finalement entretués à l'arme blanche dans une sauvagerie indicible, si bien que le combat cessa, faute de combattants. Après la bataille, on découvrit avec effroi jusqu'où la barbarie avait été poussée. On trouva, baignant dans des mares de sang, des corps éviscérés, des membres épars et trois ou quatre têtes, le tout dans l'affreux vrombissement des mouches à viande affolées par cette manne. L'endroit porta désormais le nom de la Bouchariée. Les esprits faibles et superstitieux l'évitèrent soigneusement, d'autant qu'avec le temps personne ne savait plus où les restes avaient été enterrés. Comme si ce drame avait attiré l'attention du diable, la famille Sauzet déclina rapidement. Les épidémies, les unions stériles réduisirent le nombre des descendants et plus rien ne fut jamais comme avant. Depuis, des arbres, peut-être fortifiés par le sang, avaient poussé autour du bâtiment, lui enlevant un peu de son caractère lugubre. Après une existence de dur labeur, Maître n'attendait plus grand-chose de la vie, si ce n'était paradoxalement la mort. Il prenait le frais sur le seuil de la Bouchariée, dont sa femme, seule descendante des Sauzet, avait hérité. Depuis quelques mois, Maître était incapable de se concentrer sur une idée précise. Bien qu'il fût parfaitement conscient de cette baisse de ses facultés, cela ne l'inquiétait guère. Il avait ainsi l'esprit en repos, occupé seulement des choses simples de la vie, comme manger, se reposer, dormir. En fait, il lui arrivait souvent de sommeiller tout éveillé et de rêver, activité délicieuse qui le transportait dans le commerce des anges. C'aurait été le bonheur, sans ces maudits maux de tête qui souvent suivaient ses rêves. Ce jour-là, il tailladait une branche de hêtre pour s'en faire une canne, une de plus, qui lui servirait autant d'armes de défense que de soutien. Eugène Garcin marchait entre le bord d'un champ et la lisière d'un bois dieuse. Comme pour beaucoup de paysans de la contrée, la marche était son seul mode de déplacement car même si l'on possédait un cheval, on tirait sur sa bride pour le guider plus souvent qu'on ne montait sur son dos. Dans ces contrées, un cheval était un outil de travail et non un moyen de locomotion. Pas question de le fatiguer pour rien. On empruntait généralement des raccourcis et on coupait volontiers à travers champs. À l'approche de Garcin, les criquets sautaient joyeusement de ci de là comme pour le saluer. Pour la circonstance, il avait mis sa chemise blanche à manches bouffantes boutonnées jusqu'au col et avait brossé méticuleusement son pantalon. Ses gros souliers, bien que nettoyés et cirés, étaient déjà blancs de poussière. De temps à autre, il faisait une petite incursion dans les champs qu'il longeait et prenait une poignée de terre. Il la sentait et quelquefois y posait même sa langue pour la goûter. Bon, très bon tout ça, murmura-t-il. Bientôt il arriva à destination. Soudain, le chien de maître se mit à aboyer furieusement. Il n'en fallut pas plus pour que le vieux se mît en rogne. Ce bâtard, dont personne n'avait jamais connu la provenance, aboyait pour tout et pour rien. De plus, c'était un mauvais chien de berger. Maître l'avait chassé une bonne centaine de fois, mais l'animal était toujours revenu, la queue frétillante, considérant tout cela comme un jeu. Alors, de guerre lasse, on l'avait gardé. Malgré sa mauvaise vue, Maître crut toutefois distinguer une forme près de la barrière. « Tiens, se dit-il, pour une fois que cette bestiole sert à quelque chose. » La forme se mit à faire de grands signes. « Holà, père Maître, je peux entrer? Je veux vous parler. « Oh, qu'est-ce que c'est? C'est moi, garçon !» Maître frappa l'air de son bâton. « Fous le camp, je veux pas te boire. Ma fille, tu l'auras pas. Mets-toi ça bien dans la tête. Je ne me suis pas crevé toute ma vie pour qu'Hortense finisse avec un manu-pied. Tu n'es qu'un bon à rien. Étends tes terres, amasse du bien, et après, nous verrons. » C'était la deuxième fois que jeune garçon, paysan d'une trentaine d'années, venait faire sa demande pour marier Hortense, la fille du père Maître. Ce dernier, à la tête d'une trentaine d'hectares du côté de Rayanne, faisait sa tête de mule. Il voulait pour sa fille un prétendant qui possédât au moins autant que lui-même. Il prétextait que Garcin, avec ses trois petits hectares, avait tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Ce n'était pas tout à fait faux, car même avec quatre bras, les rendements de l'exploitation de Garcin n'auraient pas permis de faire vivre dignement toute une famille. Malgré tout, Garcin avait sa fierté, et puisqu'il avait du bien, il était hors de question pour lui d'aller faire le balai de ferme. Contrairement à beaucoup de paysans de la contrée, Garcin était capable de parler, d'écrire et de lire correctement en français. Intelligent et avisé, il avait mis à profit le temps passé au régiment. Il avait malheureusement tiré un mauvais numéro à la conscription sans que la famille pût payer un remplaçant. Ce fut une catastrophe pour son père, privé de deux bras vigoureux. Il maintint un temps l'exploitation à flot, mais dut bientôt vendre deux parcelles pour subsister. Le père Garcin s'aigrit, en voulut à la terre entière, et mourut avant que son fils ne revînt. Finalement, avoir tiré un mauvais numéro à la conscription fut, d'une certaine façon, une chance pour Garcin. Saisissant toutes les occasions d'apprendre et de se parfaire, il affichait une soif inextinguible de connaissances. Dans la cavalerie, il avait fréquenté d'autres paysans du Limousin, de Beauce, de Picardie, avec des méthodes d'exploitation différentes. Puis on l'envoya en Algérie, où il fraya avec des colons venant d'Alsace, de Bretagne, du Bordelais, presque tous exilés de force par Napoléon III pour leur opposition au régime. Les plus récents étaient des déportés communards. Ce mélange sulfureux fut sans aucun doute le ferment de son idéal républicain. Le soir, dans la chambrée, il notait sur un petit carnet noir tout ce qu'il avait glané dans la journée, des nouvelles techniques, des dosages d'engrais, des adresses de marchands de graines, des slogans politiques. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» demandait Séraphin Barle, pour qui les signes tracés par Garcin étaient des pattes de mouche. « J'amasse, j'amasse. T'inquiète, Séraphin, j'en apprends ici pour tout le restant de mes jours. »« Eh ben, » reprenait l'autre, « c'est pas mon cas. »« Forcément, la moitié du temps, t'es en tôle. » Séraphin Barle faisait aussi partie du régiment expatrié, et son activité trouva en pays indigène un terrain propice à toutes sortes de négoces frauduleux. Il échangeait aux Arabes du tabac volé à ses camarades contre des bijoux artisanaux en argent, des poules, des œufs, des lapins, qu'il s'empressait de revendre au campement pour améliorer l'ordinaire. Un des Arabes, en combine avec lui, voulut le faire chanter et signala son arrêt de mort. On le retrouva un matin au pied d'un mur, la djellaba maculée de son sang. Pour calmer la population indigène, on ne put passer sous silence ce meurtre, et Séraphin, suspect non sans raison, écopa de 3 mois de mitard au pain et à l'eau. Tous les jours, un des Arabes du village venait devant le soupirail du cachot lui dire « Kelb, nahlou aldik, quand il sort, j'tikouplikou !» Quant à Garcin, il passa ses pelotons et fut démobilisé comme sergent. Il revint au pays, les poches pratiquement vides, mais la tête pleine de projets, tous plus ambitieux les uns que les autres. Seulement, pour les réaliser, il fallait des terres qu'il n'avait pas et de l'argent qui lui manquait aussi. Lorsqu'il rencontra Hortense, elle lui plut d'abord physiquement. Il fut attiré par ce corps bien bâti et proportionné, qui lui fit penser à une belle jument. Hortense exhalait la force et la bonne santé. Elle n'était pas vraiment belle, mais on ne pouvait dire non plus qu'elle était laide. Ses traits plutôt réguliers n'étaient pas ingrats. Ce qui lui manquait, c'était un peu de grâce et de charme, avec dans l'œil un petit éclat de malice. Beaucoup affirmaient ne l'avoir jamais vue sourire, et si vous aviez eu cette chance, vous auriez surpris une espèce de rictus nerveux disparu aussitôt qu'apparu. En revanche, un œil averti aurait deviné sous ses robes grossières une belle charpente, des jambes fortes et longues et une poitrine de nourrice. Bien attifée, on aurait pu dire, selon l'expression de l'époque, que c'était une belle femme. Garcin s'était secrètement promis de réveiller le volcan qu'il imaginait couvé en elle. Il avait également plu à Hortense. Il s'était revu régulièrement au détour des chemins ou des marchés et aux fêtes votives. Garcin comprit bien vite qu'en plus de son attrait physique, Hortense représentait un parti plus qu'intéressant qui pouvait combler tous ses vœux. De son côté, elle pressentit dans son galant un homme intelligent, entreprenant, qui saurait mener sa barque et la seconder dans ses propres ambitions. Tous deux, déjà avancés en âge, avaient décidé d'unir leur destin autant par attirance que par calcul. S'attendant à des réticences du futur beau-père, Garcin avait même proposé de vendre ses terres et d'en acheter d'autres, jouxtant celles de Meffre ou d'en apporter l'argent dans la corbeille de mariage, mais personne ne voulait des terres de Garcin, difficiles d'accès et par trop pentues. Il aurait dû vendre à perte et n'aurait pas eu assez pour acheter quoi que ce fût d'intéressant. Pour le père Meffre, le mariage n'était qu'une affaire d'argent et d'hectares. Pour le reste, on ne faisait que satisfaire ses instincts. Le vieux paysan voulait du concret, du palpable, comme de la terre ou des pièces bien lourdes et non de vagues promesses. La situation était dans une impasse, car plus le temps s'écoulait, plus il devenait difficile à chacun des amoureux de trouver un autre parti.